pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Après 4 ans d'absence, Georges Saint-Pierre revient sur le ring. Il va se battre en fin de semaine contre Michael Bisbee. Et on va faire une table ronde. Dans un premier temps, on va parler avec notre spécialiste Claude Perron. Salut Claude! Et on rejoint à New York Jean-Paul Chartrand Junior de RDS qui va présenter en direct le combat demain sur la télévision payante. Bonjour M. Chartrand. Salut Danny. Sans commencer avec vous M. Chartrand, est-ce que selon vous Georges Saint-Pierre après une absence de 4 ans, est-ce que ça va avoir changé et surtout que demain il va se présenter dans l'octogone plus gros, et c'est pas nécessairement son poids. Donc, comment ça peut prendre de temps avant que Georges retrouve ses repères comme il faut dans l'octogone? C'est une excellente question. On aimerait savoir la réponse aujourd'hui, comme ça on va un peu plus s'attendre demain. C'est très difficile à prédire. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que Georges Saint-Pierre, évidemment, fait jamais les choses à moitié. Il s'est associé à un nutritionniste qui a des bonnes valeurs et qui a fait ses preuves pendant longtemps, Jean-François Gaudreau, qui est d'ailleurs accompagné pendant longtemps aussi mon analyste Patrick Côté, du temps qu'il se battait dans l'UFC. Alors, au niveau du poids et de la masse musculaire, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, il va traîner cette masse musculaire à laquelle il n'est pas habitué. Mmh. Et probablement qu'en début de combat, ça ne devrait pas être un gros problème, mais si le combat avance et va plus loin... Et c'est ça qu'on anticipe un peu parce que les deux sont habitués de faire des longues bagarres et ont une très bonne endurance d'un côté comme de l'autre. Eh bien, à ce moment-là, ça pourrait être un petit peu plus problématique pour Georges. Mais alors, c'est pour ça que c'est difficile de savoir quel genre de Georges Saint-Pierre va se présenter dans l'octogone demain. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est motivé comme probablement jamais il l'a été. De toute façon, après une pause de 4 ans, il était pas obligé de venir. Hein. Alors, s'il revient, là, c'est pas une question. Même si... il y a certaines rumeurs qui vont toucher peut-être pas loin de 20 millions pour ce combat-là, hein, quand on inclut tout ce qu'il va avoir autour, là, avec les commandites, les revenus de la carte, ainsi de suite. C'est sûr qu'écoutez, il n'y a pas personne qui va cracher sur 20 millions, mais c'est pas à la base, c'est pas la raison de son retour dans la carte. Claude, on en a parlé souvent au cours de nos chroniques sur l'UFC. Est-ce que c'est un combat risqué pour Georges Saint-Pierre après 4 ans? Il aurait-il été mieux avec un combat de remise en forme? Oh, c'est une bonne question, mais quand on a le statut de Georges, avec tout ce qu'il a fait, il avait quand même nettoyé pas mal sa catégorie. Il y a eu des combats plus difficiles, mais quand même, il a demeuré champion longtemps. Maintenant, il était prêt à revenir, puis il dit que c'est sûr qu'il le fait pas pour l'argent, il est pas mal pris. Après ça, il fait ça pour le défi, puis je pense que Georges a vu la fenêtre, là, parce que sans rien enlever à Michael Bisping, là, je pense que c'est le plus faible champion que les 185 livres ont jamais eu. Donc c'est une belle opportunité pour Georges de se cimenter encore plus là, son legacy là, si jamais il remporte le combat, puis il y a des bonnes chances aussi de le remporter. Donc c'est un très bon calcul de la part de Georges après moi. OK. Jean-Paul, Michael Bisbee, on dit que c'est un spécialiste du cardio. C'est un gars qui a 38 ans, qui est assez vieux quand même, mais par contre, c'est un gars qui s'est maintenu en forme, et ses meilleurs combats ont lieu dans les 3 derniers. Et ça, tu sais, je suis un spécialiste plus de boxe, je connais plus la boxe que l'UFC. À la boxe, on dit que votre père va dire souvent, un gros bonhomme sur le ring est encore meilleur qu'un gars qui est plus petit, autrement dit. Ça, en UFC, est-ce que c'est un avantage aussi? Pas nécessairement dans l'UFC, parce que dans l'UFC, tu peux amener le gars au sol. OK. Et Georges Saint-Pierre, c'est le meilleur de toute l'histoire de l'UFC pour amener un combattant au sol. Cobb Bisping, de toute façon, le sait, là, puis on en a parlé souvent dans les différents points de presse qu'il y a eu et les différentes rencontres. Par contre, et pour prouver ce point-là, là, je vais vous amener à quelque chose qui s'est passé il y a à peu près au moins 2 ans. Là. C'est Georges Larac, qui est un gros bonhomme. Là. C'est un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, puis 270. Parce que là, il joue plus au hockey, là, il était un peu plus gros qu'il était. Là. Et Larac avait lancé un défi à Georges Saint-Pierre, qui se promenait à ce moment-là, peut-être à l'entour de 185-190 livres. Et Larocque avait dit à Georges St-Pierre, toi, là, je veux dire quelque chose, t'es petit, hein. Jamais tu seras capable de m'amener au sol. Alors, c'est sûr que Larocque, c'est pas un combattant d'armes astromiques, ainsi de suite, mais c'est quand même un gars qui est habitué de se battre sur une patinoire de hockey, puis c'est un gros, gros combat. Ouais. Et en dedans d'une minute, Georges l'a amené 6 fois au sol. Alors, juste pour vous dire que même si on a du bon cardio, on est plus grand, puis on est plus ici, puis on est plus ça, ça tiendra pas devant Georges St-Pierre. Il va trouver une façon de l'amener au sol. Et là, une fois qu'on est au sol, la grandeur, elle tient plus, là. Si le gars mesure 6 pieds 4, ben, de toute façon, c'est pas le cas de Bisping, là. Mais Bisping fait 6 pieds 2. Alors, de toute façon, au sol, même s'il y a quoi, il y a 4-5 pouces d'avantage au niveau de la taille, au sol, ça paraîtra plus cette cause-là. Et ce sera à Georges de faire du dommage à ce moment-là avec son ground and pound au sol. Claude, pourquoi tu dis que Michael Bisping, c'est le champion le plus faible que Georges va affronter? Ben, parce que c'est le cas. Je veux dire, si tu regardes les autres champions les autres personnes qui ont été champions chez les 185 livres, t'as des gars plus, mettons, en MMA, t'es plus complet, t'es meilleur là, que Michael Bisping. Sans rien y enlever, il a quand même eu une carrière un petit peu en denti. Il en a battu quand même des popées. Ouais. Mais il a pas battu, je veux dire, Anderson à son pic non plus. Il a pas. Mais il y a eu des bons combats. Son combat contre Rocco, là, c'était vraiment spectaculaire. Mais sinon, écoute, moi je pense que c'est. Georges est bien beaucoup mieux d'affronter Michael Bisping que d'affronter des gars comme Will Romero ou des gars comme j'ai dit tantôt, Vic Rocco, sont beaucoup plus dangereux pour Georges que Michael Bisping, à mon avis, qui est un très bon match-up pour lui, parce que Bisping, c'est un bon boxeur, un bon cardio, mais sinon, Georges est meilleur que lui partout. Puis en plus, le poids et la grandeur, c'est une chose, mais tout, les gens savent, puis il y avait eu une entrevue avec Chael Sonnen à ce sujet-là, là, qui disait que Georges, c'est un des gars les plus forts physiquement avec lequel il avait lutté et avec lequel il s'est entraîné. Donc, on sait que Georges, il va être plus fort de toute façon physiquement que Michael Bisping demain. Même si Bisping, il met 10 livres ou 15 livres, okay. C'est pas grave. Georges, ça va être le gars le plus fort des deux, anyway. Fait qu'on va voir. C'est sûr que son but, ça va être de l'amener au sol, de toute façon, le travail, là. Mais on va voir. Georges debout, il a un style un peu karaté, donc il gère très bien à distance. Ça va nous donner un combat intéressant. OK. Jean-Paul, t'es à New York. Hier, j'écoutais Ray Lalonde, hier, qui, au 98.5, une chronique que j'adore, ce sport business. Il mentionnait que l'UFC a très bien été en 2016. Par contre, en 2017, les résultats sont décevants au niveau des codes d'écoute, au niveau des assistances, et ainsi de suite. Est-ce que c'est le UFC qui a plus besoin de Georges St-Pierre ou Georges St-Pierre a plus besoin du UFC? C'est une bonne question. Est-ce que l'UFC a besoin de Georges St-Pierre? Ça dépend. Si Georges St-Pierre se présente demain soir, c'est le Georges St-Pierre que l'on a connu, peut-être même pas vers la fin de sa carrière, mais mettons dans les années 2010, au début des années 2010, oui, ça va être bienvenu. Par contre, Georges prend de l'âge, lui aussi, il est rendu à 36 ans, donc il n'y en a pas pour 10 ans encore, là. Il y en a peut-être pour, quoi, peut-être 3-4 ans maximum, et encore, ça va probablement être moins que ça. Mais écoute, toutes les options sont bonnes pour l'UFC dans le moment de ramener des étoiles. Par contre, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à performer présentement, parce que là, on est en train de passer à une nouvelle carte, et il y a plusieurs combattants dans les plus jeunes qui se sont pas encore établis, là, comme des vedettes comme l'ont été, par exemple, Eliotto Machida, qui s'est fait passer le KO la semaine dernière, qui était un combattant qui était bien aimé de tout le monde. Mais là, on s'aperçoit que ces gars-là, là, des Eliotto Machida, on a eu Bigfoot Silva, surtout chez les poids lourds, là, des gars qui ont beaucoup de difficultés, des Junior Dos Santos, et ainsi de suite. Ces gars-là ne sont plus capables de suivre la parade, comme on dit. Et là, ce que l'UFC souhaite, c'est que Georges St-Pierre, justement, soit capable, lui, de suivre la parade et qu'il redevienne cette icône qu'il était lorsque, dans les années, comme je te mentionnais tantôt, au début des années 2010, par exemple. Par contre, on va ouvrir un marché très lucratif, le marché de la Chine, là, pour le prochain UFC. Ça devrait être très, très intéressant pour le UFC et Dana White. Claude, en terminant, sur le UFC, Georges St-Pierre, ça fait 4 ans qu'il s'est retiré. Est-ce que, jusqu'où les arts martiaux mixtes ont changé? Est-ce qu'ils ont bien évolué? Est-ce que Georges, tu sais, être en entraînement, c'est une chose. Être dans un combat, c'est une autre chose. Est-ce que les arts martiaux mixtes ont évolué tant que ça en 4 ans? Ah, ben, pour ce cas spécifique-là, là, je veux dire, c'est Michael Bisping, là, ils ont commencé à en faire en même temps. Je veux dire, c'est pas comme si c'était. Il se battait contre quelqu'un de la jeune génération, là, comme je te parle, le gars comme Stephen Thompson ou Rocco, puis ça, c'est des gars qui sont gros, c'est des gros 185 livres, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais Mais Bisping, là, c'est un vieux de la vieille, là, je pense pas. Il arrive, il veut dire, il se surprendra pas George avec rien, là. Il arrivera pas, on dira pas, oh mon Dieu, comment est-ce qu'il a fait pour faire ça. Je veux dire, Bisping, on sait comment est-ce qu'il se bat. George le sait aussi. Non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le plus gros problème, là, Jean-Paul en a parlé tantôt, il l'a soulevé, là, c'est vraiment de le ring rust qu'on appelle, là, comment est-ce qu'il va gérer le fait que ça fait 4 ans qu'il s'est pas battu. Ça va-tu lui prendre du temps à prendre ses marques? C'est la plus grosse interrogation, okay, à mon avis. Jean-Paul, en terminant, est-ce que c'est le dernier combat de Georges St-Pierre? Toujours à la boxe, c'est pas de perdre qui est important, c'est comment tu perds. J'imagine que c'est la même affaire en UFC. Georges St-Pierre, c'est son dernier combat ou c'est vraiment, comme j'ai dit, ça va dépendre de, si, d'abord, s'il gagne, c'est sûr qu'il continue, mais s'il perd, ça va dépendre de comment il a perdu? Je suis pas dans la tête de Georges. Je sais qu'il a signé un contrat de 4 combats, okay, qui inclut même une revanche à sa première défense. S'il bat Michael Bisping, sa première défense, ça va être contre Robert Whittaker, qui est l'aspirant numéro 1 présentement. S'il perd, encore là, comme tu l'as bien dit, hein, ça va dépendre comment il perd. C'est sûr que si tu fais passer le KO en 30 secondes, je pense qu'à ce moment-là, on va fermer les livres, on va dire OK. Mais encore là, il pourrait venir chez les 170 livres, mais là, ça a évolué aussi beaucoup dans les 4 dernières années chez les 170. Puis ceux qui l'amènent présentement chez les 170, souvent, c'est des gars qui ont fait carrière, par exemple, à 185, qui ont baissé de catégorie. Je pense, par exemple, à Pat Côté, qui, pendant toute sa carrière, a été 185 livres, qui est descendu en fin de carrière chez les 170, parce que avec la nutrition d'aujourd'hui, les gars sont tellement capables de jouer avec leur poids. Ils s'aperçoivent que quand on monte de catégorie, les gars sont tellement grands et gros maintenant. Pis c'est pour ça que Georges, dans le fond, je lève mon chapeau, parce que de monter d'une division de poids de 15 livres de plus, ça prend des couilles, comme on dit à bon québécois. Et là, c'est sûr que, comme Claude l'a mentionné tantôt, oui, probablement que Bisping, c'est le pire champion de l'UFC présentement, mais faut faire attention, il est champion quand même. Et c'est un gars qui a un niveau de combat très élevé. Alors, faut pas le négliger pour autant. Mais pour répondre finalement à ta question, c'est la performance de Georges demain soir qui va nous dicter s'il passe à retraite ou pas à donner une défaite. Prédiction, messieurs, en terminant, Claude. Ah ben je pense que Georges va définitivement gagner ça. Puis j'irais même jusqu'à dire probablement TKO là, par ground and pound autour du fin troisième, quatrième. Oh, OK. Jean-Paul? Je pense que la tendance va se maintenir pour Georges. Il a effectué 9 défenses de titre chez les mi-moyens. Et son dernier KO, si ma mémoire est fidèle, c'était contre Pat Serra en 2008. Alors, je pense que Georges va gagner, mais ce sera par décision encore une fois. OK. Ben, messieurs, très intéressant. Je ne veux pas dire que le combat ne sera pas excitant. Ouais. Messieurs, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul. Claude, on va s'en parler au prochain UFC. Oui, parfait. Merci. Voilà, nos spécialistes Jean-Paul Chartrand et Claude Perron.